Cher Simone, de Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Maucor. Mon chef me prend la tête. Mon chef me prend la tête. Email de Cassandra, 39 ans, à Simone de Beauvoir. Cher Simone, désolée de te déranger avant le week-end, mais j'ai un problème avec Gaspard, mon N plus 1. Régulièrement, il me demande de préparer des dossiers ASAP pour la réunion suivante, avec un gentil coup de pression du style « je sais que je peux compter sur toi ». À chaque fois, je crois mourir d'angoisse à l'idée de ne pas y arriver. Finalement, je respecte toujours la deadline et je lui remets des dossiers impeccables. Lui, jamais un merci. Par contre, à la dite réunion, il s'approprie tout le mérite. Alors jusque-là, j'ai laissé passer. En parfaite collaboratrice, je me suis même convaincue que les remerciements, c'était pas primordial. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il est bien plus reconnaissant avec Boris et Nicolas, deux collègues qui sont pourtant beaucoup moins pros que moi. Ce matin, rebelote, j'apporte un dossier, et lui, sans un regard pour moi, il le refile à Géraldine la nouvelle en lui disant sur un ton méprisant « vous me ferez une synthèse de tout ça ». Et elle, cette conne, elle jappe de bonheur avec ses talons aiguilles tailleurs brushing. Alors bon, ok, je devrais pas m'attaquer à elle. Mais c'est parce que je sais plus quoi penser. C'est quoi mon problème? Je suis une collaboratrice mégalo? Ou bien c'est Gaspard qui déconne? Est-ce qu'il est pas un peu sexiste sur les bords? Dans ce cas, est-ce que je dois taper du poing sur la table pour me faire respecter? Ou alors, bah peut-être que je me trompe complètement et que j'ai tout simplement pas les épaules pour ce poste. Help, help, help. J'attends vos feedbacks. Cassandra. Réponse à Cassandra de Simone de Beauvoir. Tout doux, mon petit. Bois un verre d'eau, respire un bon coup. Les copines et moi, on va t'aider. D'abord, un conseil de vieille roublarde. Joue-la en toute discrétion. Si on te soupçonne de vouloir te soustraire aux codes établis, tu vas être catalogué rebelle de service. Cela jouera contre toi. Donc, comme si de rien n'était, tu observes, tu prends note et tu attends ton heure. Concernant la situation, soyons lucides. Gaspard te refile les tâches ingrates, tandis que lui se réserve les honneurs et les moments riches en excitation intellectuelle. Pas question pour autant de douter de tes capacités et de ta légitimité. Ce Gaspard ne se pose pas tant de questions, lui. C'est pourtant toi qui lui fournis la matière grise avec ton travail. Alors fais-moi le plaisir de t'extraire de cette modestie qui t'empêche d'être ambitieuse. Par exemple, en changeant de service ou même d'employeur. Il faut que tu réussisses à faire de ton boulot le lieu de ton épanouissement intellectuel pour toi et pour ton porte-monnaie. Pas pour obtenir la reconnaissance de celui qui t'exploite. D'ailleurs, ton histoire me fait penser à la servitude littéraire qu'a vécue Colette. Tu nous racontes, Colette ? Amitié, Simone. Réponse de Colette à Cassandra. Cassandra. Ton Gaspard, qu'est berlodio, qu'est bon à rien, quoi. Il me rappelle en effet mon Willy. Ah ça, faire illusion, ils connaissent. Mais au final, c'est toujours nous qui trimons. À 20 ans, j'épouse Willy sans connaître sa véritable personnalité. L'année suivante, il me force à écrire pour lui. C'est comme ça que je crée la série des Claudines. Ma vie se résume à une chambre triste, rien de solide à manger et une lampe à pétrole au lieu de soleil. Et qui signe mes livres ? Willy ? Pas un centime pour moi. Ça. Il a été malin. Expert en management, si on veut. Avec sa manière de critiquer sans jamais récompenser. Et moi ? Quelle soumise j'étais. Sur la plupart des photos de l'époque, on lit sur mon visage une expression mi-gentil, mi-condamné, dont j'ai plutôt honte. Mais je n'avais pas trop le choix. Je devais faire chauffer la coquelle sur le garlot, faire bouillir la marmite, quoi. Quand j'en ai eu marre, alors tout doucement, je me suis libéré de sa tutelle. Hey, ouais ! Claudine s'en va. Pense sur le darboin. Depuis, j'écris enfin sous mon nom. Allez, cesse de te morfondre, Cassandra. Ta faire ben un autre chat à fouetter. Faire avancer ta carrière, par exemple. Colette. From Virginia Woolf to Cassandra. Ma chère Cassandra, je sors juste de mon bain. J'en avais grandement besoin pour me calmer. J'ai croisé ce vieux Morgan Forster devant la bibliothèque de Londres. Il m'a annoncé que le comité de direction refusait à nouveau d'admettre des femmes. Apparemment, nous serions trop impossibles. Rien que ça. Selon moi, ces hommes ont peur que nous prenions leur place. Mais même s'ils nous méprisent sans en avoir conscience, ne leur exposons pas notre colère. Ils prendraient notre besoin de rétablir le juste équilibre comme une offense. Comme dit Simone, il nous faut agir moins frontalement. Parce qu'à notre époque et dans notre société, tout de même, les femmes n'ont pas à se plaindre de leur sort, n'est-ce pas ? Il se trouvera toujours quelqu'un dans les parages pour être d'accord avec cela. Quant à toi, Cassandra, n'attends rien de ce Gaspard. Même s'il te paie un café pour te remercier, ce sera pour te livrer une logorée de « je ». Et tu te retrouveras condamné à l'écouter s'exhiber. Mais désormais, place des petites phrases qui te font plaisir. Par exemple, au prochain dossier qu'il te refile, dis-lui « Avec joie, je suis ravie de prendre en charge ce dossier dont tous les mérites vous reviendront, cela va sans dire. » C'est ça la clé. Acquérir la liberté et le courage de dire exactement ce que nous pensons. Merci Cassandra. Ta lettre m'a redonné le goût d'écrire. Je me remets à l'ouvrage. Sait-on jamais ? Cela pourrait servir à d'autres femmes comme toi, comme nous. Ta Virginia. C'était « Chère Simone » de Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Mocor. Avec Dominique Raymond, Andrea Brusque, Martine Schambacher, Aurélia Petit et la voix de Duncan Evese. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Laurence Courtois. Remerciements à Jean-Yves Richard et Wilfried Lenné des ateliers Louis Kahn et à Hélène Bleskin.